إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله سبحانه وتعالى nous a donné le plus grand bienfait qui est l'islam parce que l'insan l'homme il ne peut pas entrer au paradis sans l'islam il ne peut pas éviter l'enfer sans l'islam Il ne peut pas vivre heureux dans cette dunya sans l'islam. Il ne peut réussir dans quoi que ce soit sans l'islam. L'islam, c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et qu'Allah a agréé. Allah dit, « Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam ». Certes, la religion chez Allah, c'est l'islam. Celle qui est agréée, qui est acceptée et qui est voulue par Allah. Allah dit dans l'autre verset وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Et celui qui cherche une autre religion que l'islam, alors il ne lui sera pas accepté. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Celui qui a l'islam, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah l'a préféré à beaucoup de gens. Combien sont les gens sur terre? Ils sont très nombreux. Parmi ces gens, combien sont musulmans? Ils sont très peu par rapport au nombre de gens qui vivent. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a légiféré cette religion qui est l'islam et il nous l'a révélé avec le Coran qui est son livre. Son livre dans lequel il nous apprend qui il est. Il nous enseigne ce qu'il demande de nous. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il nous enseigne ce qu'il demande de nous. Il nous montre ce qui va nous faire du mal et il nous l'interdit. Et pour ce faire, pour nous expliquer l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager. Ce messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit un éclaircisseur qui va montrer la voie à suivre aux gens. Allah dit dans sourate al-Ahzab, Ya ayyuhan nabi, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Ô prophète, nous t'avons envoyé en tant qu'avertisseur du châtiment, annonciateur de la récompense pour celui qui obéit, et en tant que prêcheur, tu vas appeler les gens vers Allah. Et tu es comme une lampe. Une lampe qui illumine la voie à suivre. Cela est le sens global de ce verset. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah pour qu'il enseigne aux gens la lecture du livre Al-Qur'an, la mise en pratique du livre Al-Qur'an, sa compréhension. Allah dit dans sourate Al-Jumu'ah, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah, lorsqu'il parle de lui-même, il dit, il est celui qui a envoyé un peuple illettré, un prophète venant d'eux, qui leur lit ses versets et qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce livre, qui est le Coran, et la sagesse qui est la sunna. Allah nous ordonne de le remercier et d'être reconnaissant de ce bienfait, qui est l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans surat al-Baqarah, كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Et comme ou parce que nous vous avons envoyé un prophète venant de vous qui vous récite le livre, qui vous enseigne la sagesse et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas, savais-tu, connaissais-tu avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avant d'avoir lu le Coran ou la Sunna, la description du paradis? Là. La description de l'enfer? Là. La joie que tu as quand tu es un musulman et quand tu suis le droit chemin, tu as goûté à cette joie après avoir su, après avoir lu sur ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir lu ce que le Coran dit, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit, parce qu'il nous a envoyé ce prophète qui nous a enseigné toutes ces choses qu'on ne savait pas auparavant, alors évoquez-moi, je vous évoquerai, et soyez reconnaissant envers moi et ne soyez pas ingrats. Soyez reconnaissant envers moi de quoi? De l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une personne, pour qu'elle devienne musulmane, il lui faut attester de deux choses. La première, c'est que seul Allah a le droit à être adoré. La ilaha illallah. Pas de divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, sauf Allah. Et c'est la raison pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre. Et c'est la raison pour laquelle Allah va juger les djinns et les hommes. Cette parole, elle est suivie d'une deuxième attestation, sans laquelle personne ne peut être musulman. Alaykum salam. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux attestations, Allah lui-même les a mentionnées dans le Coran, et lui-même a attesté de cela. Allah dit dans surat Ali Imran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الآية. Allah atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée en toute vérité sauf lui, et les anges et les gens de science aussi attestent de cela. Allah dit dans sourate Al-Fath, محمد رسول الله. Muhammad est le messager d'Allah. Allah a attesté de ça. الإمام ابن القيم رحمه الله دي من في معنى قوله من نظر في ذلك وتأمله أدرك أن الله شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أعدل الشهادة وأعظمها وأصدقها. Celui qui regarde cette attestation qu'Allah nous cite dans ce verset, Muhammad est le messager d'Allah, il va s'apercevoir, en méditant cela, qu'Allah a témoigné pour son prophète de la meilleure attestation, et de l'attestation la plus véridique et la plus juste, qui est Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la deuxième partie du premier pilier de l'islam, sans lequel tu ne peux pas être musulman. Par conséquent, il t'est obligatoire de connaître le sens de cette parole. Comme il t'est obligatoire de comprendre la ilaha illallah, il t'est obligatoire de comprendre Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comprend quatre points cités par Allah dans le Coran et par le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah, dans les hadiths sahiha, al-ahadith al-sahiha, les hadiths qui sont authentiques. Et cela a été déduit par les savants. Après qu'ils aient étudié le Coran et qu'ils aient étudié les nombreux livres où sont rapportés les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont aperçus que le fait de témoigner que Muhammad est le messager d'Allah implique quatre choses essentielles. Nous les citons de manière globale et nous rentrons dans chacune d'entre elles. La première, tasdiquhu fima akhbar. Autant attester de l'authenticité de tout ce qu'il nous donne comme information. Témoigner que tout ce qui sort de sa bouche est vrai et que toute information qui vient de lui est vraie. La deuxième, ta'atuhu fima amar. L'obéir dans tous les ordres qu'il nous donne. La troisième, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Délaisser totalement ce qu'il nous a interdit de faire et ce contre quoi il nous a mis en garde. Et la quatrième chose, Allah yu'bad Allahu illa bima shara'. De n'adorer Allah que conformément à sa guidée et à sa voie. Quant à la première, tasdiquhu fima akhbar, attester ou témoigner que tout ce qu'il nous donne comme information est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est le messager d'Allah, au sujet duquel Allah a dit dans Surat al-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah dit au sujet de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que ce soit des ordres ou des interdits ou des informations, tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne vient pas de sa propre personne, non plus de ses passions, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est faite par Allah avec l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Allah dit à Jibril, Jibril descend au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète écoute et transmet aux sahaba, les sahaba écoutent et transmettent à tout le monde. Et aujourd'hui tu sais que tu dois prier 4 rak'at al-asr, al-maghrib, 3 pour le maghrib, etc. Comment sais-tu cela? Avec les informations qui nous sont venues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il ne ment pas, il ne trahit pas, il ne donne pas une fausse information, il ne suit pas ses passions, il n'égare personne. Et le croyant, il doit avoir dans son cœur la conviction pleine que tout ce qui sort de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que cela soit compris ou non, c'est la vérité et c'est exactement ce qu'Allah veut. Sans plus, et comme cela, ni moins. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, nous dit, كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَنَهَتْنِ قُرَيْشٍ وَقَالَتْ إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَةِ وَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ لِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا إِلَّا حَقٌّ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses compagnons, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, nous dit, avant, j'écrivais tout ce que j'entendais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le peuple de Quraysh m'a blâmé comme salam en me disant: vas-tu écrire tout ce qui sort de la bouche du messager d'Allah alors que c'est un homme qui est sujet à la colère et des fois à la satisfaction, c'est-à-dire qu'il peut parler sous l'effet de la colère, donc il peut se tromper, et il peut parler sous l'effet de la satisfaction et avoir juste. Il a dit: j'ai arrêté d'écrire tout ce qu'il disait. Et j'ai mentionné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été voir le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam et il lui a dit: ya Rasulallah, Quraysh m'a dit que tu es un homme qui peut se tromper quand tu parles. Et ils m'ont dit que je ne dois pas écrire tout ce que j'entends de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré sa bouche avec sa main ou ses doigts et il a dit: je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, c'est-à-dire je jure par Allah que ce qui sort de cela n'est que la vérité. Ce qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que la vérité. Parce que c'est le messager d'Allah. Et ce serait un grand manque, voire même de la mécréance, de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse mentir ou trahir, ou tromper, ou ruser avec Allah, subhanahu wa ta'ala. La situation des croyants, lorsqu'ils écoutent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils y croient, et ils disent que c'est la vérité. Et ceux qui ne croient pas, sont des hypocrites. Ceux qui ne croient pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont des hypocrites. Et beaucoup sont les gens qui, lorsque tu leur parles de azab al-qabr, les supplices de la tombe, wasf al-jannah, la description du paradis, wasf al-nar, la description de l'enfer, tasma'uhu yaqulu laka man alladhi nazala ilayka hatta yukhbiraka an hadha, wal 'iyadhu billah. Il te dit: qui est-ce qui est descendu pour t'informer de tout ça puisque tu ne le vois pas? Al-jawab: wa ma yantiqu 'an al-hawa, la réponse: il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Regardez une scène qui s'est produite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une des batailles qu'on appelle Razwatul Khandaq ou Razwatul Ahzab, la bataille des coalisés ou la bataille de la tranchée. Les mécréants se sont réunis entre eux et ont formé une armée de plus de 10 000 hommes. Et ils se sont dirigés vers la ville de Médine afin de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Mais les compagnons ont eu une idée qui était de creuser autour de la ville de Médine un énorme fossé pour que les ennemis, lorsqu'ils arrivent, ne puissent pas rentrer dans la ville de Médine. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba radiyallahu anhum, en les encourageant dans la patience, qu'Allah vous donnera la victoire. Mais dans la ville de Médine, il y avait des hypocrites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait un par un. Il avait une liste dans laquelle étaient inscrits tous les noms des hypocrites. Et cette liste, Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu anhu l'avait dans ses mains et il connaissait le nom de tous les hypocrites. Et Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, de peur d'être un hypocrite, a été voir Hudhayfa et lui a dit: ya Hudhayfa, dis-moi, est-ce que je suis dans cette liste? Est-ce que je fais partie des hypocrites? Qu'est-ce qui dit ça? Le deuxième des meilleurs sahaba, le deuxième des meilleurs des hommes après les prophètes, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Umar fil jannah. Umar est au paradis, il a sa place au paradis. Parce que le croyant, il a peur de devenir hypocrite. Mais il ne dépasse pas les limites, il n'est pas pris par al-wasawis, de sorte à ce qu'il est sûr de lui que c'est un hypocrite. Là, ce n'est pas ça qu'on veut dire. Mais le croyant, il doit avoir peur de perdre sa foi. C'est ça qu'on veut dire. Dans cette bataille, lorsque les ennemis sont arrivés, les hypocrites qui étaient à Médine, Allah nous informe de ce qu'ils ont dit. قال الذين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Et lorsque les hypocrites et les gens qui ont une maladie dans le cœur dirent Allah et son messager ne sont promis que tromperies. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont vu les ennemis arriver. Et les ennemis, ils étaient beaucoup plus qu'eux. Et comme ce sont des hypocrites qui ne croient pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah et son messager nous ont menti. Ils nous ont trompés. Ils nous ont trompés. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah les a appelés wa idh yaqulu al-munafiqun. Lorsque les hypocrites ont dit, Allah a jugé d'eux qu'ils sont des hypocrites. C'est pour cela que Allah n'acceptera pas des hypocrites le jour du jugement dernier. Quand bien même il dira 1000 et 2000 et 3000 fois Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est pour cela qu'Allah dit dans une sourate qui s'appelle Les Hypocrites, Idha ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Wallahu yashhadu inna al-munafiqina la kadhibun. Et lorsque les hypocrites viennent à toi, ils te disent, nous attestons que Mohammed est le messager d'Allah. Mais Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Allah n'accepte pas simplement que tu dises Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais quand tu dis ça, ça implique que tu crois au prophète. Et comme eux ne l'ont pas fait, ils ont été décrits par Allah comme étant des hypocrites. Et Allah nous informe qu'il ne leur acceptera pas. Regardez maintenant la situation des croyants lorsque les Ahzab sont arrivés dans la même sourate qui s'appelle sourate al-Ahzab, les coalisés. Allah dit وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. هذا حال المنافقين هذا حال المؤمنين. Voici la situation des hypocrites. Voici la situation des croyants. Et lorsque les croyants ont vu les ennemis arriver, les coalisés arriver, ils ont dit, voilà ce qu'Allah et son prophète nous ont promis, et Allah et son prophète ont dit vrai, et cela n'a fait que de leur rajouter de la foi. Ça, c'est la situation du croyant quand il entend « Qala Rasulullah ». L'autre, c'est la situation de l'hypocrite quand il entend « Qala Rasulullah ». C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, lorsque il a défendu son prophète, il a dit dans sourate Safat, après que eux, ils aient dit وَقَالُوا أَإِنَّا لَتَارِكُوا أَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Ils ont dit, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Allah a dit بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. Mais non, il est venu avec la vérité et il est venu affirmer la vérité des prophètes passés avant lui. Donc, celui qui ne croit pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui dit que le prophète ment, il ne fait que de démentir la vérité. Puisque Allah nous dit qu'il est venu avec la vérité. Et Allah nous dit au sujet des gens qui démentent la vérité dans sourate Al-Ankabut, وَمَنْ أَظْلَمُ ومن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالصدق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Allah dit dans la fin de sourate Al-Ankabut, et qui est plus injuste que celui qui attribue un mensonge, qui ment sur Allah, ou qui traite de mensonge la vérité? La demeure des mécréants n'est-elle pas en enfer? Celui qui dément le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est égaré. Et il risque, il devient mécréant. C'est pour ça que le croyant, il doit croire à tout ce que le prophète lui donne comme information. Et en aucun cas, un croyant a le droit de dire, mais qui est-ce qui a vu ça? Mais qui est-ce qui t'a informé de cela? Qui est-ce, etc. Ça, ce sont les paroles des hypocrites, ce ne sont pas les paroles du croyant. Le croyant, il dit, آمنا بالله ورسوله وصدقناهما. Nous avons cru en Allah et en son messager et nous croyons qu'il dise la vérité. La deuxième chose qu'implique l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, c'est ce qui découle de cela. Ta'atuhu fima amar. Son obéissance dans tous ses ordres. Puisque si tu crois que tout ce qu'il dit est la vérité et que toutes ses informations sont vraies, alors tu dois les mettre en pratique et cela se fait par son obéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran à plusieurs reprises d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que l'imam Ahmed rahimahullah a dit: نظرت في المصحف فوجدت أن الله تعالى أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 33 موضعا. J'ai observé le Coran et je l'ai médité et je me suis rendu compte qu'Allah nous a ordonné d'obéir au prophète صلى الله عليه وسلم dans plus de 33 endroits dans le Coran. C'est aussi pour cela que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que Allah nous a ordonné d'obéir à son prophète plus de 30 fois dans le Coran. Les versets, ils sont très nombreux. Wa ati'u Allah, wa ati'u Rasul. Et obéissez à Allah, et obéissez à son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être obéi par les musulmans et par les croyants. Plus qu'ils obéiront à leur père, à leur mère, à leurs grands-parents, plus qu'ils obéiraient à leur patron, plus qu'ils obéiraient à la personne qu'ils craignent, ils doivent obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque, parce que le prophète c'est le messager d'Allah et celui qui obéit au prophète il ne fait que d'obéir à Allah. C'est pour ça qu'Allah a dit وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Celui qui obéit au prophète, certes, celui-là, il a obéi à Allah. Qu'est-ce que cela veut dire? Que celui qui désobéit au prophète, il a désobéi à Allah, comme cela va venir dans le troisième point. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة المؤمنون. Allah dit que les croyants n'ont qu'une seule parole. Ils n'ont qu'une seule parole lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent et qu'ils décident entre eux, qui est de dire nous avons entendu et nous avons obéi. Quelle est la récompense? Allah dit وأولئك هم المفلحون. Et voici ceux qui sont ceux qui vont réussir. Eux, ils ont la réussite. Ce qui veut dire que celui qui n'obéit pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne réussit jamais. Il n'a pas de baraka dans sa vie. Celui qui désobéit au prophète, alladhi ya'si ar-rasul, sallallahu alayhi wa sallam, wa la yuti'uhu, fa inna Allah yamhaqu al-barakata min hayatihi wa a'malihi wa aqwalihi wa fi qabrihi wa fi yawm al-qiyamah. لأنه لا سعادة أبدا إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فلاح إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Personne ne peut être heureux sans obéir au prophète صلى الله عليه وسلم. Donc Allah nous dit que ceux qui obéissent au prophète ils vont réussir. Par quoi ils vont réussir? Ils vont rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela nous est rapporté dans le hadith de Abu Hurayra, selon Al-Bukhari rahimahullah, Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit entre au paradis. Voici le chemin. Combien sont les gens qui disent on veut entrer au paradis? Mais combien sont ceux qui obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a des personnes, lorsqu'elles entendent « Qala Rasulallah » sallallahu alayhi wa sallam, elles ne s'empressent pas de le mettre en pratique, mais elles demandent. est-ce que cet ordre est une obligation ou un acte recommandé qui n'est pas obligé? Est-ce que c'est wajib ou mustahab? Et lorsque le prophète interdit de faire une chose, il te dit, est-ce que c'est haram ou makruh? Mais il ne te dit pas cela pour apprendre. Il te dit ça parce que si tu lui dis mustahab, il ne va pas le faire. Si tu lui dis makruh, il va le faire. Et cela n'a rien à voir avec la guidée des sahabes, radiyallahu anhum. Écoutez ce hadith de Mu'adh ibn Jabal, qui est connu, que vous trouvez dans l'Arba'in al-Nawawiyya. Mu'adh radiyallahu anhu, il dit, ya Rasulallah, dullani ala amalin, idkhiluni al-jannah, ou yuba'iduni an al-nar. هل قال دلني على الواجب دون المستحب أو علمني الحرام دون المكروه لا دلني على شيء إذا فعلته دخلت الجنة هذا هذه هي هداية الصحابة Qu'est-ce qu'il dit? Il dit يا رسول الله montre-moi une action qui me fait entrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Est-ce qu'il a dit montre-moi une action qui est obligée mais ne m'apprends pas les actions qu'ils ne sont pas obligées, qui sont recommandées? Ou bien est-ce qu'il a dit, montre-moi ce qui est haram, mais pas ce qui est détestable, parce que ce qui est détestable, ce n'est pas haram, donc je peux le faire là. Parce que le croyant, il n'est pas comme ça. Innama kana qawl al-mu'minina, idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ta'na. Ma yaqulun, hal hadha wajib, hal hadha muharram, hal hadha mustahab, hal hadha makruh. Les croyants ils ne cherchent pas. Dès qu'ils entendent l'information du prophète, ils obéissent. Ils mettent en pratique. Ils mettent en pratique. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ أَوْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, regardez, et à Allah et à son messager. Pourquoi? Parce que l'obéissance de son messager, c'est l'obéissance d'Allah en vérité. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Celui qui obéit à Allah et à son messager, voici ceux qu'Allah va combler de ses bienfaits. Ou voici ceux qui va être avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. C'est-à-dire, dans sa place au paradis, il ne sera pas n'importe où. Il aura une place particulière. Il sera en compagnie des meilleures créations, créatures d'Allah. Qui sont-ils? An-Nabiyyun, les prophètes. As-Siddiqoun, les gens véritiques. As-Shuhada, les martyrs. As-Salihoun, les gens pieux. Et quelle merveilleuse compagnie que celle-ci. Quelle merveilleuse compagnie que celle-ci. Le musulman, quand il voit un ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il doit le voir comme une porte en plus qui s'ouvre, qui mène au paradis. Il ne doit pas le voir comme une corvée, comme beaucoup de gens le font. Lorsqu'il entend un hadith ou un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit baisser la tête et se soumettre. Il ne doit pas faire comme ceux qu'Allah nous a cités dans surat Luqman. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يقول لهم قال الله أو قال رسول الله يقولون له نحن إنما نتبع آباء عادات آبائنا وأمهاتنا أولو كان هؤلاء يدعونكم والشيطان يدعوكم إلى عذاب النار وقد عرفتم الحق وأبيتم أن تسلكوا طريق الحق. Dans ce verset, Allah il nous dit, et parmi des gens, il y en a qui disputent et qui font des débats sans science, sans guidée et sans livre éclaireur. Ni il dit qala Allah, ni il dit qala Rasulullah. Et la personne qui est en face de lui lui dit qala Rasulullah, qala Rasulullah. Regardez ce qu'Allah dit. Il y a parmi des gens qui font des débats sans science, sans guidée, sans livre éclaircisseur. Et lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah vous a révélé, Et ils répondent, mais non, nous suivons ce sur quoi étaient nos ancêtres. Allah dit, même si Shaitan vous appelle au châtiment de l'enfer, c'est-à-dire, vous avez vu la vérité, vous préférez suivre le chemin de vos ancêtres au lieu de suivre le chemin du messager, et vous savez cela, et vous persistez. Voici comment sont beaucoup de gens quant à l'obéissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y a une dispute, lorsqu'il y a un malentendu, lorsqu'il y a quoi que ce soit qui arrive dans ton dîn et dans ton dunya, dans ta religion et dans ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré tout et nous a donné toutes les solutions à tous les problèmes, sans exception. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala à ce sujet, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمًا. Allah il jure et il dit, mais non, par ton Seigneur, ils n'atteindront pas la foi complète tant qu'ils ne te prendront pas, Ya Rasulallah, tant qu'ils ne te prendront pas comme juge dans les différends qu'ils ont entre eux, puis qu'ils acceptent ce que tu as décidé sans éprouver d'aversion et sans être mécontent de ce que tu as choisi comme jugement, puis qu'ils se soumettent à cela totalement. Donc vous voyez que on ne peut pas atteindre la foi parfaite sans obéir au prophète et sans le prendre pour juge dans tout. Ce ne sont pas tes passions, ni tes coutumes, ni ton pays, ni tes habitudes, ni quoi que ce soit de tout cela qui vont causer ta réussite, mais c'est la sunna du prophète et c'est l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième chose qu'implique l'attestation de foi en la messagerie ou en message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui va découler de la deuxième, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, délaisser et arrêter tout ce qu'il nous a interdit de faire et ce contre quoi il nous a mis en garde. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout ce qu'il nous a interdit de faire correspond à ce qu'Allah nous a interdit de faire, et tout ce qu'Allah nous a interdit de faire, c'est tout ce qui nous nuit, sans plus ni plus ni moins. Quand le prophète nous ordonne une chose, c'est parce qu'on en a besoin. Quand le prophète nous interdit une chose, c'est parce qu'elle va nous faire du mal si on l'a fait. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous raconte les histoires des peuples qui nous ont précédés, il nous dit au sujet de l'histoire de Moussa alayhi salam, il nous dit, inna arsalna comme salam, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun ar-rasul fa'akhadhnahu akhdhan wabila kanahu yaqul fakadhalika antum idha 'asaytum ar-rasul ya'khudhukum Allahu akhdatan qawiyya. Allah nous dit dans ce verset, il nous dit, certes nous vous avons envoyé un messager pour qu'il soit témoin contre vous. Sur le jugement dernier, les messagers ont été envoyés par Allah pour que nous n'ayons plus d'arguments et plus d'excuses. On vous a envoyé un messager venant de qui va être témoin contre vous, de la même manière qu'on a envoyé un messager à Pharaon. Qui est ce messager? Moussa alayhi salam. Quelle a été la fin de cette histoire entre Moussa et Pharaon? Pharaon a désobéi à Moussa et Allah l'a pris, elle l'a saisi, elle l'a châtié redoutablement. C'est comme si qu'Allah nous dit, et vous aussi, je vous ai envoyé un prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et si vous lui désobéissez comme Pharaon, malgré l'armée qu'il avait, malgré le pouvoir qu'il avait, malgré les armes qu'il avait, malgré l'argent qu'il avait, Allah l'a noyé dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Moussa. Et celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il risque la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la punition d'Allah quand on désobéit au prophète? An-nar, l'enfer. Nas'al Allah an yu'idana min an-nar. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Huraira, cité précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit entrera au paradis. La suite du hadith: Wa man 'asani dakhala an-nar. Et celui qui me désobéit entrera en enfer. Ou wa man 'asman kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ça c'est un autre hadith. Tous les gens de ma communauté entreront au paradis sauf celui qui refuse. Quelqu'un peut-il refuser l'entrée au paradis? Ils ont dit: Ya Rasul, wa man ya'ba ya Rasulallah. Qui est-ce qui refuse d'entrer au paradis? Est-ce possible? Na'am, c'est possible. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas aller au paradis. Mais pas indirectement. Ils font une chose qui les empêcheront d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba wa fi riwaya fa dakhala an-nar. Celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit a refusé d'entrer au paradis. Et dans l'autre version du hadith, celui qui me désobéit entrera en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il nous ordonne de ne pas désobéir au prophète. Il nous dit: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, ceux qui lui désobéissent, ils ne le suivent pas, ils ne l'obéissent pas, qu'ils prennent garde que ne les atteigne une tentation ou un châtiment douloureux. Ibn Kathir rahimahullah a dit que celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne le suit pas, il peut tomber dans le shirk, il peut tomber dans le kufr, il peut tomber dans la bid'a, wal'iyadhu billah. Il peut tomber dans toutes ces péchés-là, qui sont tous, les uns avec les autres, destructeurs. Donc la désobéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grave péché. C'est pour ça qu'Allah a dit: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا وَالْمُرَادْ الْمَعَاصِ الْكُفْرِيَّ. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset: et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il aura l'enfer où il restera éternellement. Ça, c'est dans les péchés, dans les désobéissances qui vont engendrer la mécréance. Pas dans les désobéissances qui ne sont pas de la mécréance. Avec tous ces textes, on voit la gravité de la désobéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous a dit, en citant le deuxième point et le troisième point: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Et ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ أَوْ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. Ce que je vous interdis de faire, écartez-vous-en. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et ce que je vous ordonne de faire, faites-le selon votre capacité. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَفْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Car ce qui a causé la perte des gens qui vous ont précédé, c'est l'abus de questions. Pourquoi? Pourquoi le Rasoul nous a dit de faire ça? Pourquoi le Rasoul nous a interdit de faire ça? لِمَاذَا أَمَرَنَا بِهَذَا لِمَاذَا نَهَانَا عَنْ هَذَا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ لِمَاذَا وَلِمَاذَا وَلِمَاذَا وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Et ce qui a causé la perte des gens qui vous ont précédé, c'est l'abus de questions qu'ils avaient et la divergence qu'ils avaient avec leurs prophètes. La quatrième chose qu'implique l'attestation que le prophète est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah yu'bad Allah illa bima shara. Que tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala que conformément à ce qu'il a légiféré. Tu salli kama salla, tu zakki kama zakka, tu hajju kama hajj, tu a'ti kama a'ta, tamna'u kama amna, tasjudu kama sajad, تقول كما قال تسكت كما سكت وتفعل كل هذا موافقا للسنة النبوية. Tout ce que tu dois faire, tu ne dois le faire que conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-imam Malik rahimahullah yaqul As-sunna safinatu Nuh, man rakibaha faqad naja wa man lam yarkabha faqad khasir. Fi ma'na qawlihi rahimahullah. Il dit l'imam Malik, la sunna c'est le bateau de Nuh alayhi salam. Celui qui monte dedans, il est sauvé de la noyade, c'est-à-dire de l'égarement. Et celui qui ne monte pas dedans, il est noyé, il a perdu. Comment quelqu'un peut réussir s'il ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment quelqu'un va réussir? Comment il va avoir la baraka dans ce bas monde? Comment il va entrer au paradis? Comment Allah il va lui pardonner s'il n'obéit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'il ne suit pas sa sunna sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète alayhi salatu wa sallam s'est épuisé dans la da'wah. Il s'est épuisé dans la propagation de l'islam. Et si toi tu ne suis pas sa sunna, c'est comme si que tu prends à la légère toutes ces fatigues qu'il a éprouvées pour que toi aujourd'hui tu sois un musulman et que tu suis la voie droite. C'est pour cela que si tu ne suis pas sa sunna, Allah Azza wa Jal ne t'accepte pas. Car Allah n'accepte aucune action si elle n'est pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit sallu kama ra'aytumuni usalli lita'khudhu anni manasikakum fi al-hajj. Dans la salat, il dit priez comme vous m'avez vu prier. Hal qala sallu faqat? Est-ce qu'il a dit prier c'est tout? Non, il a rajouté prier comme vous m'avez vu prier. Ce qui veut dire que prier ça ne suffit pas, mais tu dois prier comme lui il a prié. Le prophète a dit prenez de moi vos rites pour le pèlerinage. Faites le pèlerinage comme moi. Est-ce qu'il a dit hujju, faites le pèlerinage, c'est tout? Là, il a dit faites le pèlerinage comme moi. Et cela est valable pour toutes les adorations. Tout ce que tu dois faire dans le din, dans la religion d'Allah, tu dois le faire avec la sunna. Tu ne dois pas le faire avec ce que tu penses. Tu penses que c'est bien. Hada khair, a'mal. Hada la uhib, la a'mal. Hada la yujad fi dinillah. Ça c'est un bien, je le fais. Ça, j'aime pas, je le fais pas. Ça, c'est dur. Ça, c'est trop pour moi, etc. Ça n'existe pas dans la religion d'Allah. Dans la religion d'Allah, c'est قال الله قال رسول الله. Le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit va à droite, va à droite. Va à gauche, retourne-toi, va à gauche. Retourne-toi, va derrière, va derrière. Avance, avance. Saute, saute. Parle, parle. Assieds-toi, assieds-toi. Pourquoi? Parce que sans obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il ne t'agrée pas. Et toi le musulman, tu veux qu'Allah il t'agrée. À quoi ça sert de vivre en contredisant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam si après Allah il ne t'accepte pas? Et ce qui va contredire la sunna, c'est la bid'ah. وما أدراك ما البدعة. Ce qui contredit la sunna, c'est l'innovation. Et qui te dira quelle est la gravité de l'innovation chez Allah subhanahu wa ta'ala? عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui me fait un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, cela lui est rejeté. أي أن الله لا يقبله. لماذا؟ لأنك تخالف الرسول. والله عز وجل أرسل الرسول حتى يعلمك كيف تعبد الله وأنت تخالفه. إذن عصيت الله فلا يقبل الله منك. هذا هو الدين. Celui qui désobéit le prophète et qui ne suit pas sa sunna, Allah ne lui accepte pas. Il ne lui accepte pas. الذي يعمل بدعة, celui qui fait une innovation, له عقوبتان. عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. Celui qui fait une bid'a, une innovation, il aura deux grosses punitions. Une punition dans ce bas monde et une punition dans l'au-delà. La punition dans ce bas monde, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'imam At-Tabarani rahimahullah, a rapporté selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah hajaba tawbata an kulli sahibi bid'a. An qala l'imam Ahmed rahimahullah, ay, an Allah la yuwaffiqu sahib al bid'a, la yuwaffiquhu li tawbati hatta yatruka hadhihi al bid'a. Wallahi hadha kafa zajran, wa kafa maw'idatan liman kana qalbuhu hayyan muta'alliqan bis sunnati nabawiyya. L'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a voilé le repentir de celui qui fait une innovation. C'est-à-dire, l'imam Ahmed a expliqué cela en disant que celui qui innove dans la religion d'Allah et qui fait une chose nouvelle et qui croit qu'il se rapproche d'Allah par cela alors qu'Allah n'a pas révélé de preuves ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà dans le premier hadith vous venez de voir qu'Allah ne lui accepte pas, et en plus Allah l'empêche de faire tawbah, il l'empêche de faire le repentir, il l'empêche de revenir vers lui parce qu'il fait une bid'a wa li'adhu billah. Al-uqubatu fil akhira anna al-mubtadi' anna sahib al-bid'a ya'ti yawm al-qiyama hinama yaridu an-nas حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده فردا فردا شربة لا يظمأون بعدها أبدا إذا بقوم يأتون يريدون الشربة فتقول لهم الملائكة بعدا بعدا فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أمتي فيقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك أي ما ابتدعوا جاءوا بدين جديد عملوا أعمالا مخالفا للشرع مخالفا للسنة فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا من الذي يريد أن يقال له هذا يوم القيامة يوم يكون في أمس الحاجة إلى رحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم أمامه اذهب انصرف عني بعدا سحقا. La deuxième punition qui aura lieu dans l'akhira pour celui qui désobéit au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est que les gens arriveront pour boire du fleuve du prophète صلى الله عليه وسلم, les musulmans, les croyants. Le prophète leur donnera à boire de sa propre main une boisson qui après laquelle ils n'auront plus jamais de soif. Voici un groupe de gens qui vont arriver dans l'espoir de boire de cette boisson. Les anges vont leur dire, éloignez-vous et allez-vous-en. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, ils font partie de ma communauté. Les anges vont lui répondre, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas les choses qu'ils ont rajoutées dans la religion après toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, écartez-vous et allez-vous-en et éloignez-vous. Qui est-ce qui aimerait qu'on lui dise ça le jour du jugement dernier? Comme salam. Qui est-ce qui aimerait que le jour du jugement dernier il soit refusé et qu'il entende le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant lui, devant les anges et devant les sahaba et les gens pieux, va-t'en, va-t'en, tu as innové dans la religion d'Allah. البدعة شر كلها ألا تسمعون الخطيب بل قبله النبي صلى الله عليه وسلم يردد كل جمعة إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أفصح الناس كل من ألفاظ العموم كل كل كل بدعة ضلالة. N'entendez-vous pas l'imam le jour du vendredi et avant lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait, chaque chose nouvelle est une innovation, et chaque innovation est un égarement, et chaque égarement mène à l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui s'exprime le mieux, d'une façon claire, comprise pour tout le monde. Toute innovation est un égarement. Celui qui croit qu'il y a une innovation bonne dans la religion, regardez ce que l'imam Malik lui a dit. L'imam Malik rahimallah قال من زعم أن في هذا الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. Imam Malik a dit, celui qui prétend que il y a une innovation bonne dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-là, il a prétendu ou il a accusé le prophète d'avoir trahi à son message. Parce qu'Allah a dit, et aujourd'hui, j'ai complété pour vous ma religion. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. J'ai parachevé pour vous mon bienfait. ورضيت لكم الإسلام دينا. Et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Puis il a dit, ceux qui n'étaient pas comptés dans la religion, ceux qui ne faisaient pas partie dans la religion à l'époque où ce verset est révélé, ne le fait pas partie à cette époque non plus. L'innovation, c'est un mal. Al-bid'a, char. Al-bid'a, fasad. Al-bid'a, dalal. Limadha arsalallahu ar-rasul idan. La bid'a, l'innovation, c'est un mal. C'est un égarement. Pourquoi alors Allah il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah azza wa jalla yaqbalu al-amal al-mukhalifa lis-sunnah. Allah il n'accepte pas l'action qui contredit la sunna. ومن أعظم الأمثلة مع الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الصحابي un des, avec des exemples, on va dire un des compagnons, vous savez que Salat al-Eid, Eid al-Adha, le Eid où on égorge, où on sacrifie le mouton, que le mouton n'a pas le droit de l'égorger avant la Salat. Vous connaissez ça? On doit l'égorger après la Salat. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Eid, est parti pour faire, comme salam, est parti pour faire la khutba du Eid, il y a un compagnon qui est resté chez lui et qui a dit, moi, je vais, ana sa'akhdumu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vais rester chez moi, je vais m'occuper, je vais rendre service au prophète. Comment? Alayhi salam. Moi, je vais égorger mon mouton avant la salat. Je vais le couper, je vais le cuisiner. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir et va rentrer, il va trouver de la viande, il ne va pas se fatiguer, il va manger, il sera content. Est-ce qu'il y a une niya? هل هناك نية أجمل من هذه النية نية خدمة الرسول sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a une intention plus belle que celle-là? L'intention de plaire au prophète et l'intention de lui rendre service? La wallah. Il n'y a pas de niya mieux que ça. إذن هذا الصحابي له أجمل نية ممكنة. Ce compagnon, il a la plus belle des intentions possibles. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qabila minhu? Est-ce que le prophète il l'a accepté li anna niyatahu tayyiba? La. Est-ce que le prophète il l'a accepté parce que sa niya elle est belle et elle est bonne, son intention? Là, il l'a pas accepté. Qu'est-ce qui s'est passé? Aad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu de Salat al-Eid. Il est rentré, il a vu ce sahabi et il a vu de la viande cuite. Il lui a dit, mahada. Il a dit, qu'est-ce que c'est cette viande? Et il lui a dit, ya Rasulallah, moi j'ai voulu te rendre service, j'ai voulu que tu rentres et que tu trouves la viande prête et cuisinée pour pas que tu te fatigues, etc. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala lahu lahmuka lahmu shat. Et hadihi hiya shat tudhbahu hakada. Yani sadaqa faqat. Laysat maqboula ou laysat لا ليست معتبرة كذبيحة يوم العيد. C'est-à-dire que il lui a dit, ta viande, ce n'est que la viande d'un mouton. C'est-à-dire, c'est un mouton comme les autres. Ce n'est pas le mouton du عيد. فما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عبرة للمسلم ألا يعمل أي شيء يخالف السنة. Il y a une عبرة pour le musulman. Une leçon à tirer, c'est que le musulman il ne doit pas faire quelque chose qui est contradictoire avec la sunna. Nahnu naqul qala Allah qala Rasulullah. Nous on dit qala Allah qala Rasulullah. Tous ces gens qui disent anta mutashaddid, anta kada, anta kada, anta kada, nahnu ma indana al-awatif wa ma indana al-ahwa. Indana qala Allah qala Rasulullah. وعندنا قوله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن ماذا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Nous, on n'a pas des sentiments qui passent devant la religion. On n'a pas des envies qu'on fait passer devant la religion. Et nous, on ne suit pas autre qu'Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quoi que les gens disent, celui-là, il est dur, celui-là, il est isolé, celui-là, il est fermé, celui-là, il est mauvais. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, As-Sadiq al-Amin, tu es le véridique, le digne de confiance. فَلَمَّا جَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا قَالُوا إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ أمس الصادق الأمين لما جاءك بما يخالف أهواك ماذا قلت؟ قلت شاعر مجنون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu dans son chez Quraysh avec deux surnoms, le véridique, le digne de confiance. Dès qu'il est venu avec la ilaha illallah, une parole qui contredit leur passion et qui contredit leurs envies, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Hier, quand il était avec eux, ils l'ont appelé Sadiq al-Amin. Le lendemain, quand il les a contredits et qu'il a contredit leur passion, ils ont dit c'est un poète fou. Limada? Ittiba al-hawa. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصدكم عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة. Le suivi des passions. علي بن أبي طالب رضي الله عنه a dit oh les hommes, la chose que je crains le plus pour vous, c'est le suivi des passions et le long espoir. Quant au suivi des passions, elles vont vous dévier du droit chemin et de la vérité. Et le long espoir va vous faire oublier l'akhirah. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a dit, Surat Sad, wa la tattabi'u al-hawa, fayudillaka 'an sabilillah. Et ne suis pas tes passions, elles t'égareront du chemin d'Allah. Famin akbari ma yusabbibu al-dalal, wa al-ghiwaya, wa l'inhiraf, ittiba' al-hawa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أتبع آبائي. Parmi les choses qui causent le plus l'égarement de la personne, c'est le suivi des passions. Il te dit قال رسول الله, il te dit non, الشيخ الفلاني قال كذا وكذا. من الذي تقدم الرسول أو الذي قد يخطي وقد يصيب. Qu'est-ce que tu fais passer avant, le prophète صلى الله عليه وسلم ou celui qui peut se tromper, l'imam chef? Pour revenir, Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset, car nous, on ne suit pas nos passions, on ne suit pas nos envies, mais on suit ce qu'Allah il veut qu'on suive. C'est ça la soumission. هذا هو معنى الإسلام. C'est ça la soumission. Allah a dit, et si vous divergez dans une chose, alors ramenez-la à Allah et à son messager. Al-Kitab wa Sunnah. Si vous êtes vraiment des croyants, حين يحصل التنازع سيظهر الإيمان. لأن الإيمان يقتضي حين التنازع أن ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ومن حصل بينه وبين أخيه تنازع ولم يرجع إلى الكتاب والسنة دل على ضعف إيمانه شاء أو أبى. Celui qui va revenir à la sunna et au livre d'Allah, cela montre sa foi sincère, son amour du suivi d'Allah et de son prophète. Mais celui qui ne va pas suivre ça, alors cela montre que sa foi est basse, qu'il le veuille ou non. Allah a dit, lorsque vous divergez dans une chose, renvoyez-la à Allah et à son prophète, si vous êtes croyant. Si vraiment vous êtes croyant, délaissez vos passions, délaissez vos coutumes, délaissez vos habitudes et dirigez-vous tout droit vers la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qui est meilleur pour vous et qui est de meilleure interprétation. Parce que toi, tu vas interpréter avec tes passions. Lui va interpréter avec ses coutumes. Lui va interpréter avec ce qu'on lui a enseigné depuis tant d'années. Mais toi, tu vas interpréter avec قال الله قال رسول الله. Est-ce que tu vas te tromper? Là. L'imam Shafi'i رحمه الله il a dit في معنى قوله أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتركها لقول أحد من الناس. L'imam al-Shafi'i rahimallah a dit, les savants sont unanimes sur le fait que celui qui a vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam clairement, ils ne lui ont en aucun cas permis de délaisser la parole du prophète pour suivre la parole de qui que ce soit parmi les gens. L'imam Ahmed rahimahullah il dit عجبتُ للناس يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي فلان ونسيت الاسم. L'imam Ahmed rahimahullah a dit je m'étonne des gens, ils ont vu le hadith authentique et ils vont suivre la parole de un tel et de un tel. هذه هي السنة هكذا يفهم دين الله سبحانه وتعالى. Ça est la compréhension de la religion d'Allah. Et c'est ça qui nous fait entrer au paradis. هذا هو الذي يدخلك الجنة يوم تكون في أمس الحاجة إلى ما يكون سببا لك في دخول الجنة تجد حسنة عظيمة كبيرة وهي اتباعك للسنة وموافقتك للسنة. Le jour du jugement dernier, où tu verras que tu seras dans la situation dans laquelle tu auras le plus besoin de hasanat qui te feront entrer au paradis, tu verras une hasanat immense qui te fera entrer au paradis. Quelle est-elle? Le suivi de la sunna. Regardez les gens de l'enfer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila. Ahlun nar yaquluna hadha yandamun. Les gens de l'enfer, ils vont dire si seulement j'avais suivi la voie avec le messager, si seulement j'avais suivi la voie avec le prophète. Parmi certaines innovations que l'on voit, de toute manière, les innovations, il y en a beaucoup. Et parmi celles qui sont connues et qui, je pense, vont arriver bientôt, le Mawlid al-Nabawi, le fait de fêter l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on dit, « عَمِلَهُ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam »« أَعْمَلْ إِذَا عَمِلَهُ أَعْمَلُهُ » Est-ce que le prophète, il l'a fait? S'il l'a fait, je le fais. Là. As-sahaba amilou. Abu Bakr, il l'a fait. Là. Omar, là. Uthman, là. Ali, là. Les meilleurs sahaba, ils l'ont fait. Là. Et donc, il y a un problème. Est-ce que moi, je suis mieux que lui? Tu ne sors pas de deux choses. Quand tu fais une innovation comme celle-là, tu ne sors pas de deux choses. Soit tu dis que toi, tu sais quelque chose que le prophète ne savait pas. Et ça, c'est dalel. Et c'est pas possible que tu dises ça. Soit tu dis que c'est un khair. Si c'est un khair, on te dit, alors pourquoi le prophète il l'a pas fait? Est-ce que toi, tu peux connaître un khair alors que le prophète il l'a pas fait? Elle dit, oh, là. Sa'akoulu laka, qala Omar, ni'amal bid'atu hadih. Il va te répondre, Omar a dit, quelle belle innovation que celle-là. وهذا يرجع أصلا إلى معنى البدعة لأن الذي يقول هذا لا يعلم ما معنى البدعة. Et ça, ça revient au sens du mot بدعة. Parce que celui qui dit qu'il y a une bonne innovation, il ne sait pas ce que ça veut dire une innovation. وإنما يردد ما يسمع شمالا ويمينا أو شمالا ويمينا. Mais il ne fait que répéter ce qu'il entend à droite et à gauche. L'innovation, c'est une chose que tu fais dans laquelle tu crois que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ni le prophète ne l'a fait, ni il ne l'a dit, ni il ne l'a approuvé. Elle n'est pas demandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-an narji' ila qawl Omar. Maintenant on revient au qawl de Omar quand il a dit quelle bonne innovation que celle-ci. De quoi il parle aslan? An madha yatakallam? La plupart des gens qui disent qala Omar ni'ma al-bid'atu hadhi, ils savent même pas de quoi il a parlé Omar. La plupart des gens qui disent quelle bonne innovation que celle-là, ils ne savent pas de quoi Omar y parle quand il a dit ça. Omar yatakallamu an salat at-tarawih. Omar y parle de salat at-tarawih. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il priait les prières de nuit pendant Ramadan, le Coran il était révélé. Il n'était pas encore terminé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait une chose et qu'il prenait l'habitude de faire une chose, elle lui devenait obligatoire par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait trois fois le tarawih en groupe avec les sahaba radiyallahu anhum, de peur que ça devienne obligatoire à la umma, à la communauté islamique, et qu'après il ne puisse pas la supporter, il a arrêté de prier en groupe les prières de nuit de Ramadan. Donc les gens après ils ont arrêté de faire ça. Après l'islam, il a été complété. Après, il y a eu Abu Bakr. Après Abu Bakr, Omar. Omar, quand il a réfléchi, quand il a vu que chacun priait dans son coin, il s'est dit, je vais faire revivre cette sunna, puisque le prophète, il l'a fait. Et nous, on a dit que la bid'a, c'est de faire une chose que le prophète n'a pas faite. Donc, il a dit, je vais faire revivre cette sunna. Il a rassemblé les gens, il les a tous mis ensemble, il a regardé les gens, et il a dit, ni'ma al-bid'atu hadhi. Quelle bonne bid'a hadhi. Alaysa Omar, قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة الجواب بلى. عمر n'a-t-il pas entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire chaque innovation est un égarement? La réponse si. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Celui qui vit parmi vous va avoir de nombreuses divergences. طيب ما الحل؟ ماذا نعمل؟ ماذا نفعل إذا حصلت الاختلافات الكثيرة؟ Quand les grandes divergences vont avoir lieu, qu'est-ce qu'on doit faire? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Mordez-y à pleines dents et prenez garde des choses nouvelles, car chaque chose nouvelle sont une innovation. سيقول لك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعمر قال نعم البدعة هذه والنبي قال سنة خلفاء الراشدين ومنهم عمر إذن أتبع عمر. هذا ما فهم المقصود، لأن سنة الخلفاء الراشدين هي موافقة للسنة، فسنتهم هي سنة رسول الله. والدليل على هذا الحديث نفسه لو فهمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها، ما قال عضوا عليهما. فلو كانت سنة الخلفاء غير سنة الرسول لقال عضوا عليهما، على السنة النبوية وسنة الخلفاء. ولكن لما قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها، بين أن سنتهم هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أوضح بيان. دونك le prophète صلى الله عليه وسلم a dit alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés, mordez-y à pleines dents. Il va te dire donc je ne suis pas égaré quand je fais une innovation et je dis que c'est Omar qui a dit qu'il y a des bonnes innovations, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Et parmi les califes bien guidés, Omar. Et Omar a dit bonne bid'a, donc il y a des bonnes bid'a dans l'islam. Celui-là n'a pas compris le hadith, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés, mordez-la à pleines dents. De quoi il parle quand il dit mordez-la? Des deux, de la sunna des sahaba et du prophète. Quand il a dit mordez-la, c'est pour dire que c'est la même chose. C'est pour dire que la sunna des sahaba, ce n'est rien d'autre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'était quelque chose de différent, alors il aurait dit mordez-les. Mordez cette sunna et celle-là. Donc maintenant il reste une question. Ma ma'na ni'matul bid'atu hadhihi idan? Quel est le sens de ni'matul bid'atu? Ni'mal bid'atu hadhihi. Quelle bonne innovation que celle-là. Al ma'na أن عمر رضي الله عنه هو أول من جدد سنة الرسول سنة التراويح، فحينئذ نقول هذه بدعة بمعنى اللغوي ولا بالمقصود الشرعي. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit نعم البدعة هذه؟ Quelle bonne innovation que celle-ci. Ça veut dire qu'il est le premier à avoir fait revivre cette sunna qui existait déjà, qui est التراويح. Qui est At-Tarawih. Parce que personne avant lui n'a eu l'idée que lui il a eu. Donc c'est le premier à avoir fait ça, donc il a innové. C'est-à-dire dans le sens linguistique du terme, pas dans le sens religieux. Il n'a pas fait une innovation religieuse, et il a fait une innovation dans le sens où il a fait une nouveauté. C'est lui le premier à avoir fait revivre à nouveau cette sunna. Voilà ce que ça veut dire. Quelle bonne innovation que celle-ci. فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والبدع كثيرة. ومنها الأذكار جماعة يجتمعون ويتحلقون فيسبحون الله جميعا ويكبرون جماعة وهكذا. Parmi les innovations, le fait de faire le dhikr, le rappel d'Allah, tous ensemble. Ils se réunissent et ils font des rappels à haute voix, bisautin wahid, à une voix tous ensemble. Ma anzalallahu bidhalika min sultan, lidhalika min sultan. Parmi les innovations, qira'atul Qur'an jama'atan. Le fait de lire le Qur'an en groupe. Wa in kunta qad ra'ayta hadha fi baladika kathiran, ta'allaq bis-sunnah, la ta'allaq bil-aktariyya. Même si tu as vu ça beaucoup dans ton pays, accroche-toi à la sunna et ne t'accroche pas à autre que ça. Ne t'accroche pas à autre que ça. Les bid'a, le fait de réciter le Coran ensemble, ce qu'ils appellent la tolba. Tolba. Dès qu'il y a un mariage, ils ramènent leur groupe et ils récitent le Coran. La yuhsinun al-tajwid, wa la yuhsinun al-qira'a, wa yaqta'un al-ma'ani. J'ai entendu dire aussi par rapport à réciter tous ensemble le Coran, il y en a qui disent pour l'apprentissage, l'histoire ça rentre dedans. Là, pour l'apprentissage, s'il y a un professeur qui est devant et qui récite un verset, et après eux ils récitent tous le même verset en même temps dans le but d'apprendre, ça ne rentre pas dedans, dans le cadre de l'apprentissage. Mais ce qui est voulu par là, c'est les gens qui s'assoient et qui lisent. Ils n'apprennent pas, ils lisent ensemble. Donc ça, c'est une innovation. Le fait de lire le Coran ensemble, dans un autre but que celui d'apprendre, ce n'est pas de la sunna. وَالْبِدَعُ كَثِيرًا نَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَ وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يُوَفِّقَنَا لِاتِّبَاعِ السُنَّةِ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا الْبِدَعَ كُلَّهَا. Demande Allah عز وجل qui nous accorde la réussite dans le suivi de la sunna et qui nous écarte de toutes les innovations. والإنسان يخطي ويصيب ويوميا يتعلم. Et l'homme chaque jour il peut se tromper, il peut avoir bon et chaque jour il apprend. والإنسان إذا علم أنه أخطأ يعود إلى الله يكفر الله عنه سيئات حسنات. Celui qui se trompe il revient à Allah et Allah عز وجل il lui change ses mauvaises actions en bonnes. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. Et نسأله تعالى أن يجعل أهل هذا المسجد أهل الكتاب والسنة مجتمعين جميعا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.